Salut. C'est pour référence de ceux qui écouteront les cassettes un peu plus tard. Nous avons écouté une conférence de toi le dernier vendredi qui vient de passer. Question particulière, qui sommes-nous? Moi, puis probablement certaines personnes à la salle. Disons, j'ai écouté une conférence, j'ai parlé avec toi en conférence sur un thème qui s'appelle les peuples de l'invisible. Vendredi dernier. Et cette conférence-là m'a permis, entre autres, de prendre conscience que beaucoup d'entités organisées dans le monde non perceptibles à l'homme ont une interaction plus d'exploitation que d'échange avec l'homme. Oui, l'homme est une espèce de végétal. Oui. Puis j'ai pris une petite note là-dessus, je me disais, l'homme doit apprendre à douter de tout, puisque rien n'est gratuit dans notre monde. Que tout ce qui transige avec l'homme a une intention d'intérêt. Dans un contexte comme ça, j'aimerais que tu me parles du doute. Qu'est-ce que le doute chez l'humain psychologique? Et ça pourrait être intéressant de continuer un peu ce qu'on avait fait le mois passé, à savoir est-ce que des correspondances peuvent exister à des niveaux énergétiques supérieurs pour cette notion-là de doute? Parce que l'humain est confronté à un contexte où le doute devrait quasiment devenir une stratégie de base pour un homme qui se conscientise. Peux-tu élaborer là-dessus? Oui. Alors, je te laisse la parole. Bon, le doute, stratégie de base, ça va de soi. Le doute, c'est ce qui engendre chez l'humain l'intelligence, c'est ce qui engendre aussi l'expression de la conscience. L'être humain qui ne doute pas est un être humain qui est fini, un être humain qui est carrément mort. C'est un être humain qui est un esclave et le doute est justement la pose de questions. Un individu qui doute, c'est un individu qui se pose des questions. Du point de vue de l'animal humain ou de l'humain, il est absolument essentiel de parvenir à se poser des questions. Premièrement, le fait de se poser une question est déjà l'expression d'un contact avec un ajusteur de pensée. Donc, l'être humain qui se pose des questions a une pensée. Celui qui ne se pose pas de questions n'a pas de pensée. Celui qui se pose des questions, et cela, c'est un fait qui est établi dans la conscience astrale de l'âme depuis quelques millions d'années, il se pose des questions, donc il a un ajusteur de pensée. Comme on l'a vu souvent, l'ajusteur de pensée de l'âme part de son âme, du périsprit, et il le bifurque et il se connecte au canal réincarnationnel, ce qui fait en sorte que l'ajusteur de pensée est totalement manipulé par la structure réincarnationnelle ou les stimulations du monde de la mort qui sont toujours en contact avec la conscience égoïque de l'âme. Maintenant, lorsque l'être humain parvient à ce phénomène du doute, cela veut dire que de temps en temps, son ajusteur de pensée a la faculté de se déconnecter du canal réincarnationnel et il peut vaguer dans le plan moronciel, dans une région où il n'y a pas d'information, donc une région où notre ego ne reçoit que du vide. Dans ce vide, il peut recevoir ce qu'il peut appeler de la lumière, il peut recevoir de l'énergie, et il peut simplement aussi recevoir le calme, la paix. Le calme et la paix, c'est la cessation des stimuli. Pour l'ego, cela devient un phénomène relativement paniquant. Alors, étant donné que notre ego vit de temps en temps cette déconnexion du canal réincarnationnel de l'ajusteur de pensée, il voit apparaître dans sa conscience des conditions nouvelles. Ces conditions nouvelles, créées par la mécanicité même de l'ajusteur de pensée, engendrent chez l'ego des peurs. Ces peurs, par comparaison à l'intérieur même de l'âme, deviennent ou sont ressenties comme étant des questions posées. Ce sont des lacunes, des trous qui existent à travers l'ego, et nécessairement du point de vue de l'ego qui veut combler ces trous, il va donc rechercher la réponse. L'individu qui, dans son évolution, arrive au doute, est un individu qui va avoir la capacité énergétique de remettre en question des choses. Le doute absolu est un critère de base vers une conscience absolue. Par contre, le doute local est un critère de base pour arriver à une conscience locale. Lorsque l'être humain doute que la foudre est un dieu, sa conscience grandit. Lorsque l'humain doute que le volcan est une colère de la mer, la terre, sa conscience grandit. Lorsque l'être humain commence à douter de l'homme, sa conscience grandit. Pourquoi? Parce qu'il va se décollectiviser, il va commencer à s'individualiser. La première individualisation va être une individualisation de groupe, c'est-à-dire que l'être humain va abandonner des grandes structures sociétaires pour engendrer des petits clans, des groupes, des gangs. Et à un moment donné, il pourra aussi douter de sa gang, il va commencer par douter de la hiérarchie, donc de ses chefs, et à un moment donné, il se ramassera un peu plus lui-même. Dans la souffrance que l'ego va ressentir du fait de ne plus être collectivisé, notre ego va tenter d'être individuel dans une collectivité. Alors, il va peut-être prendre un livre sacré comme la Bible, et il voudra l'interpréter à sa façon. Mais il prendra un livre collectif. Alors, l'individu, donc, dans cette récupération, il ne doute pas suffisamment encore des choses bâties par la collectivité, alors qu'il doute de la collectivité. Alors, il vivra donc dans une illusion d'individualisme qui fera en sorte qu'il aura un cheminement de conscience collective alors qu'il pourra lui-même travailler individuellement dans ce chemin collectif. Je répète, il doute de la collectivité, mais il n'arrive pas à douter de ce qui a été engendré par la collectivité. Il doutera du voisin, mais pas de la société. Il doutera du prêtre, mais pas de la Bible. Notre individu, à ce stade du doute, a une conscience locale plus grande et, à un moment donné, il aura un doute planétaire, c'est-à-dire qu'il commencera à douter aussi des dieux. Doutant des dieux, il doutera des forces sataniques. Maintenant, il faut faire attention, l'individu va passer par des phases où il va douter de leur existence. C'est dangereux. Parce que douter de l'existence d'un automobile qui te fonce dessus, ça n'élimine pas l'automobile. Par contre, douter de la conscience des dieux, douter de la conscience des forces d'involution, douter de la conscience des extraterrestres, douter de la conscience des prêtres, des maîtres, des gourous, douter de la conscience de tout ce qui nous entoure, douter de la conscience des plantes ou des animaux, douter de la conscience cosmique, douter même de notre propre conscience qui peut être totalement colorée. Cela amène chez l'individu une élimination des béquilles, des chaises roulantes et de tous les artifices qui jusqu'alors ont supporté le bribe de conscience en croissance chez lui. Mais nécessairement, notre conscience, lorsqu'on élimine de toutes les structures qui la supportaient, a l'impression de tomber dans un vide. La base n'est plus là. Alors elle tombe. Mais elle tombe où? La conscience, lorsqu'on élimine par le doute suffisamment énergétique, la conscience, elle tombe dans l'homme. Lorsque la conscience tombe dans l'homme, elle tombe dans rien. Elle tombe dans un corps physique, entouré d'un paramètre vital, et il y a de l'ego, mais lorsque les béquilles ont été éliminées, l'ego n'a plus la capacité de supporter le mental qui supportait jusqu'alors les bribes de conscience. Alors la conscience descend dans l'homme. Cette descente de conscience dans l'homme est une forme cosmique d'involution. Cela fait partie des processus d'effusion. Étant donné que la conscience descend dans l'homme, ou tombe dans l'homme, du point de vue de la conscience, lorsqu'elle se refroidit, elle parlera de chute. Et on peut encore retrouver les vieilles idéologies archétypales de la chute de l'homme sur le plan planétaire, ou encore de la chute de la conscience dans l'homme. Lorsque la conscience donc chute, parce qu'il y a le doute total qui est venu brûler, donc gruger, disperser toutes les structures qui supportaient antérieurement cette forme de conscience, la conscience se ramasse dans un vide, et tout ce qui semblait l'expliquer n'est plus là. Il faut bien comprendre que lorsque nous avons des bases théoriques extrêmement archétypales, c'est-à-dire qui proviennent de vieilles formes du passé, laissées par la descente fusionnelle de l'homme dans notre monde froid, lorsque ces vieilles structures sont éliminées dans la conscience intérieure d'un humain, par le doute, elle reste archétypalement dans les annales akashiques, mais elle peut être éliminée dans les annales périspiritiques de l'âme. Notre individu a une conscience sur laquelle ne repose rien, et une conscience qui ne repose plus maintenant sur rien. Tout ce que l'humain peut constater, c'est ce que sa conscience avait avant, c'est qu'il est là. Alors le doute cosmique ou le doute absolu, disons le doute planétaire, engendre chez l'homme la conscience planétaire du « je suis ». Mais ce « je suis » n'est plus supporté par des stratégies astrales qui vont lui faire dire « ferme ta gueule, pose pas de questions ». Entre autres, « je suis là pour plaire à Dieu ». C'est comme un peu « ferme ta gueule, pose pas de questions ». « Je suis là parce que ma mère m'a mis au monde ». Et ça ne va pas plus loin au niveau de la conscience. Toutes ces structures, toutes ces farces cosmiques ou astrales ayant été éliminées par le doute. « Je suis là pour plaire à un Dieu ». Mais je ne crois pas que Dieu existe. Donc, je ne peux pas être là pour plaire à un Dieu. Je suis là parce que ma mère m'a mis au monde. Mais qui l'a mis au monde, elle? Il doit y avoir une raison. Et Adam et Ève, je doute énormément qu'un homme et une femme aient engendré l'humanité sans un paquet de torts génétiques. Il doit y en avoir d'autres. Je doute énormément qu'un serpent vienne présenter une pomme qu'un Dieu créateur a placée en plein milieu d'un pommier dans un jardin d'Éden en disant à l'humain, « Tu vois le pommier, c'est le meilleur des fruits, prends-en pas. » Je doute énormément. S'il a fait ça, c'est qu'il savait que l'humain prendrait, donc c'était prévu. S'il n'a pas fait ça, c'est que le Dieu n'existe pas, je doute. Et lentement, à travers ce doute planétaire, l'humain finit par se retrouver seul en face de lui-même. Il est là, lui. Pourquoi? Il ne le sait pas. Il n'y a pas de base qu'il supporte. Les vieilles réponses archétypales sont donc toutes été balayées par le doute, alors il ne reste plus rien. Lentement, notre humain va se retourner vers le neuf. Mais dans le neuf, il y a énormément de vieux. La première création de choses neuves à partir d'une conscience astrale, c'est la transformation des vieilles choses en formes qui tentent d'expliquer ce qu'il recherche. Alors, si le Dieu de guerre et de vengeance ne lui plaît pas, il va transformer le Dieu en un Dieu de paix et de pardon. Il appellera ça du neuf. J'ai un nouveau Dieu à vous présenter. Ce n'est pas un nouveau Dieu, ça reste un Dieu, ça n'a rien de neuf. C'est transformé. On a mis du maquillage. L'humain peut lentement se tourner vers les extraterrestres. Mais les extraterrestres, ce n'est pas une condition neuve dans la conscience évolutive de l'homme. L'extraterrestre a déjà été un dieu. Les dieux sont venus de l'extérieur. Les dieux sont venus coloniser la terre. Les dieux sont venus sauver l'homme sur la terre. Les dieux sont venus donner le blé à l'homme, donner le riz à l'homme, donner le maïs à l'homme. Les dieux sont venus donner l'art à l'homme. Les dieux ont donné l'alchimie à l'homme. Les dieux ont donné les méthodes de momification égyptienne à l'homme. Les dieux ont donné la bombe nucléaire à l'homme. Mais finalement, ces dieux peuvent facilement être transposés sous forme d'extraterrestres. Le songe d'Ézéchiel est un phénomène extraterrestre. On peut donc facilement dire que Marie, qui a été fécondée par l'Esprit, a en réalité rencontré un extraterrestre qui a fait l'amour avec, l'amour biologique, et qui a engendré un extraterrestre humain, Jésus. Cette tendance de rejeter le vieux par le doute peut annuler ou, disons, atténuer d'une façon assez sensible ce doute en partant en position de vieux à travers des concepts neufs. Le neuf, ce n'est pas cela. Lorsque l'être humain passe par le doute planétaire, il va donc accepter des choses similairement neuves, des choses adaptées, des choses plus à la mode, mais pas nécessairement des choses provenant du neuf, des choses ne provenant pas de l'archétype planétaire. L'être humain qui arrive à un doute total, le doute même de sa vie. Je doute de la raison de ma vie. Je doute de l'intelligence d'avoir une famille. Je doute de l'intelligence de la réincarnation. Je peux considérer comme étant logique, savoir ou croire que la réincarnation existe, mais je doute de l'intelligence de la réincarnation. Je doute même de l'intelligence de la vie. Je doute de l'intelligence de la création. Je doute carrément. L'individu qui arrive à ce doute arrive à un doute pas encore absolu. Pourquoi? Parce qu'il ne doute pas du doute. Par contre, il a un doute cosmique. Il n'est pas absolu, mais cosmique. Ce doute cosmique est un doute qui fait en sorte qu'à chaque fois que notre être humain a astralement la faculté de restructurer une base sur laquelle peut s'appuyer sa conscience, l'intelligence qui l'habite détruit la base au fur et à mesure de sa structuration. Alors, il a un doute cosmique. Il peut, pendant une journée, une heure ou quelques minutes, accepter tel genre de concept. Il peut arriver à s'intelligencer des choses, à légiférer sur des mécanicités, mais étant donné qu'il a un contact plus complet avec un ajusteur de pensée de l'énergie supramentale, au fur et à mesure qu'il bâtit une marche, il monte dessus. Et à l'instant où il est dessus, la marche commence à se désagréger. Ça le pousse à monter sur une autre marche. Et l'autre marche n'existe pas encore. Ça le pousse à créer l'autre marche par de nouveaux concepts, par de nouvelles formes, par de nouvelles intelligences, par de nouvelles expressions. Et il monte sur la nouvelle marche et il se dit « Phew, j'ai failli me suicider ». Et là, il se rend compte que la marche est déjà en train de s'effriter. Alors, il est continuellement poussé par l'absurdité du suicide, l'absurdité de la mort, l'absurdité du retour en arrière, l'absurdité du refroidissement de la conscience. Et en même temps, la marche, le doute, son doute détruit ce qu'il bâtit au fur et à mesure qu'il le bâtit. Il avance plus vite que la majorité des gens. C'est souffrant tant qu'on ne comprend pas et tant qu'on n'accepte pas du point de vue de l'ego la mécanique. L'ego ne peut comprendre la mécanique que si la mécanique semble être un sauveur. Parce que l'ego est archétypalement construit à partir de l'idéologie même qu'un jour un sauveur viendra le chercher. Alors qu'un jour un sauveur va le sauver de lui. Pas du reste. Et ça, l'ego ne peut pas le comprendre. Alors notre ego va se sentir le moindrement sécure par une nouvelle forme qu'on vient de placer. Et l'ajusteur de pensée par le biais de l'intelligence supramentale détruit au fur et à mesure. Ce doute cosmique engendre une espèce de feu à l'intérieur de l'humain. Un feu qui, dans le début, brûle l'ego. Ça crée de la négoïsation au niveau de l'ego, mais ça crée une instabilité psychologique qui, si l'être humain n'est pas suffisamment solide dans son corps physique, peut être quelque peu dommageable. Si l'être humain est suffisamment solide dans son corps physique, s'il a un système endocrinien et un système neuronique suffisamment constitué, il verra ce qui se passe, il observera ce qui se passe, il vivra ce qui se passe, et il sera patient. Il attendra. Un jour, il est logique d'arriver à un plateau, pas juste sur des marches. C'est logique. Le passé l'a prouvé, ça s'est toujours passé comme cela. On a détruit des archétypes dans le passé absolument effarants. Et on a redétruit ces archétypes plus tard, on a bâti de nouvelles formes, de néotypes. Et les néotypes, à travers le temps, sont devenus des archétypes. Ils ont été redémolis. Présentement, on néotype avec l'intelligence supramentale, avec l'ajusteur de pensée, avec la mécanicité réactionnelle qui est un accident, avec le phénomène qu'il y a par relations séraphiques, des correspondances humaines dans d'autres galaxies, avec l'idée même que l'être humain peut courber son espace-temps et arriver à une densification énergétique telle que, de toute façon, il sera une masse qui s'imposera au reste de l'espace-temps. On néotype avec différentes formes qui sont de plus en plus près de la réalité. On néotype en disant que, de toute façon, l'humanité n'aura jamais existé, l'univers n'aura jamais existé, la création non plus, lorsque le travail sera terminé dans la conscience de l'homme. Et un jour, ces néotypes aussi seront balayés par un doute. Et à un moment donné, le doute sera un doute qui brûlera tout ce qui est de la mémoire. Parce que le doute ne s'attaque qu'à la mémoire. Le doute ne s'attaque que jamais à la réalité ou au neuf. Je ne doute pas que tu es là, mais je doute que tu as été là. Le doute ne s'attaque qu'à la mémoire. Lorsque le doute pourra consommer toute la mémoire, l'humanité aura finalement réussi sa structure. L'homme ne pourra plus faire confiance à rien, ni à lui, ni à l'extérieur, ni au passé, ni aux traditions, ni aux dieux, ni à rien. Ce doute absolu va engendrer chez lui de liberté absolue. ou ils ne pourront fonctionner qu'à partir de lui, étant donné qu'il aura détruit toutes les correspondances par lesquelles il se comparait avec l'extérieur, il aura donc digéré l'extérieur. Le doute absolu est finalement la fusion absolue entre la conscience qui habite l'homme et toutes les consciences extérieures à l'homme. L'homme ne peut plus douter parce que l'homme est devenu la totalité même intégrale de la création. De ce fait, la création n'existe plus. Donc, le doute provoque comme phénomène de créer un vide, et l'individu qui a de la difficulté à supporter le vide recherche systématiquement un support d'explication plus vaste qui permettrait d'englober le doute et de l'éteindre. Mais la mécanicité est constante. C'est que dans le doute, il y a deux chutes, une vers le haut, une vers le bas. Lorsque l'on détruit par le doute les structures sur lesquelles la conscience s'appuie, la conscience prémentale descend dans l'homme, et nécessairement, dans l'ego de l'homme, il y a de l'information neuve qui pénètre, étant donné qu'il y a eu un trou, et le trou est immédiatement comblé par de l'intelligence. Donc, le doute brûle l'ego. Par contre, il y a un autre doute aussi qui précipite la conscience de l'ego et la conscience de l'homme au complet vers le canal supramental. Chaque fois que par le doute nous détruisons quelque chose, il y a un chemin fait de l'homme vers la conscience intelligente et une partie de l'intelligence qui descend vers l'homme. Il y a donc une chute de l'homme vers le haut et une chute de l'intelligence vers le bas. C'est bien cela, involution et évolution. Et cela engendre une mécanicité assez puissante chez l'humain. Cela engendre évidemment l'évolution, l'énergification, l'énergisation, la conscientisation, la cellularisation, la mutation et tout ce genre de choses. Quelle différence tu fais entre le doute et la révolte? Parce que quelqu'un qui se conscientise a ce dilemme à un moment donné qui est posé. La révolte, c'est une lutte contre l'homme vers l'homme. La révolte, c'est une guerre interne entre différents concepts. La révolte, ce n'est pas quelque chose qui provient du mental. La révolte peut être engendrée par le mental, par contre, mais elle sera vécue par l'ego. La révolte, c'est l'écœurement de l'ego d'être écœuré de lui-même. La révolte, c'est la guerre d'un concept d'évolution contre un concept de stagnation. La révolte, c'est finalement la tentative que va faire l'ego, la partie de l'ego qui s'adapte au neuf. C'est la tentative que va faire cette partie de l'ego pour détruire ce qui refuse le neuf. La révolte, c'est un phénomène typiquement astral, typiquement égoïque. Les dieux ne se révoltent à peu près pas, sauf s'ils ont suffisamment d'ego. Et le mental ne se révolte jamais. Le mental, il logifère sur des choses, il intelligencie les choses, et il observe des choses, il les communique à l'ego. Mais peux-tu parler de la révolte luciférienne, par exemple, qui c'était quand même à un niveau énergétique assez élevé? Mais c'est parce que Lucifer ne s'est jamais révolté. Lucifer a commencé à se révolter seulement lorsqu'il a été implanté dans la conscience de l'homme. Lucifer a commencé à se révolter seulement lorsqu'il a été le créateur de la race humaine. Lucifer est le père créateur de l'homme. Quand on parle d'un dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est Lucifer. Lucifer, une fois implanté dans la conscience de l'homme, a été terrestrifié. Terrestrifié, il a oublié ses propres fonctions. C'était prévu. Oubliant ses propres fonctions, il a tout fait pour faire en sorte que l'être humain puisse abandonner toutes les structures matérielles pour retourner là d'où il était venu. Et nécessairement, la révolte luciférienne, c'est une révolte humaine. Dans la conscience biblique, on parle de Lucifer qui se révolte. Dans un autre livre aussi farfelu, dans la cosmogonie du Ratio, on parle aussi d'une révolte luciférienne. Et Lucifer ne se révolte que dans l'homme. Libéré de l'homme, Lucifer ne se révolte pas. Il est libre. Lucifer est un porteur de lumière, c'est une conscience de lumière, c'est de l'intelligence supramentale. À l'intérieur de l'homme, Lucifer est le créateur de la race humaine, et la race humaine est Lucifer incarné. Et de cette façon-là, il y a une révolte luciférienne, en ce sens que l'homme se révolte contre les sphères hiérarchiquement plus hautes que lui, présentement. Alors l'homme se révolte contre les sphères qui ne sont pas terrestrifiées. Lucifer se révolte donc contre Dieu. Mais on parle de Dieu. On parle d'un Dieu créateur du ciel et de la terre. On parle d'un Dieu qui est créé par les expressions émotives de l'homme. On parle d'un Dieu qui se place dans le ciel. Lucifer se révolte contre les formes de hiérarchie qui sont inférieures à lui et qui, présentement, par la nature même de l'expression de notre continuum, paraissent supérieures à lui. Chaque fois qu'un être humain se révolte contre Dieu, c'est Lucifer. Et la Bible dit que Lucifer s'est révolté contre Dieu. Et elle a dit, pourquoi caches-tu à l'homme la vérité? Pourquoi veux-tu empêcher l'homme de devenir conscient? Alors Lucifer, finalement, va manipuler Satan pour que Ève, la femme, l'expression même de ce qui est plus sensible sur le plan planétaire et donc plus manipulable, donne à l'homme, totalement assujetti à la manipulation féminine, la pomme. Et il bouffe de la connaissance du bien et du mal, il bouffe de la connaissance de ce qu'ils sont, et alors il se voit comme étant nu. Pas nu physiquement, nu dans la conscience. Et ils ont une bribe de conscience. Et là, c'est une révolte totale contre Dieu. Le Dieu dans le monde de la mort qui veut faire en sorte que l'homme soit une plante, un végétal. Un végétal qui capte l'énergie tellurique et l'énergie solaire et la transforme en énergie émotive pour nourrir les dieux. Et tout. L'homme est une racine divine dans le monde de la mort. Alors Lucifer, qui est de la conscience spiritique, qui habite le végétal humain, l'homme, qui canalise les deux formes d'énergie pour en transmettre la substance sous forme d'émotion, pour nourrir le monde de la mort et les dieux, Lucifer se révolte totalement. Alors, chaque fois que l'être humain veut commencer à évoluer, il évolue d'une façon luciférienne, il n'a pas le choix. Alors, il y a la force sataniennes et arimanienne qui plante le corps de l'homme dans le contexte planétaire, qui font en sorte que l'ego peut parvenir à jouir, et cela omnibule totalement la conscience luciférienne qui habite l'homme, mais Lucifer n'est pas un trou de cul. Par contre, chaque fois que Lucifer va manipuler un être humain du point de vue de l'archétype luciférien, c'est différent. Lorsque la mémoire luciférienne, lorsque l'idéologie archétypale qu'on a bâtie sur Lucifer, lorsque l'être humain est luciférien, a fini par accepter de respecter les maîtres divins, les dieux, les trous de cul. Ils ont accepté de nourrir un archétype, une forme, une mémoire, qui faisait de Lucifer le trou de cul. Mais lorsque l'être humain arrive à ce doute, lorsque l'être humain arrive à comprendre que la seule personne qui finalement a tenté d'aider l'humain dans l'histoire biblique a été Lucifer, pas Dieu. Dieu, il dit, je vous fais un paradis, je vous mets des arbres géniaux et je vous en place un encore plus génial, n'y touchez pas. Dieu, il dit, vous êtes des imbéciles, vous êtes tenus mais vous ne le voyez pas, et c'est bien comme ça. Et Lucifer, il dit à l'homme, hé, écoute bien, il faut que tu te réveilles, tu peux te réveiller. Si l'arbre traîne dans le cours, c'est pour qu'on s'en serve. Est-ce que Lucifer est le seul qui a voulu aider l'homme. Mais pourtant, les Melchizedek, est-ce que c'est pas un exemple, ça, de révolte contre des mécanicités? Non, le Melchizedek planétaire n'est pas une révolte. Quand j'ai dit à un moment donné que Melchizedek, une forme de Melchizedek pouvait apparaître de la gestion évolutive de notre planète Terre, en ce sens qu'à un moment donné, un être humain refuse totalement sa fusion alors qu'il a la capacité de fusionner, il devient une forme, une force melchizedienne. Cela veut dire que l'être humain devient Melchizedek du point de vue de notre contexte planétaire, mais il ne fait pas partie de l'ordre des Melchizedek. Du point de vue cosmique, c'est-à-dire que sa naissance ou sa générescence est planétaire, elle n'est pas cosmique, elle n'est pas stellaire, elle n'est pas reliée à un soleil, elle est reliée à une planète. Ce Melchizedek est un Melchizedek local qui servira l'ordre des Melchizedek et qui, à un moment donné, devra de toute façon traverser pour devenir fusionné. L'ordre melchizédien au niveau cosmique est apparu dans le refus qu'a opposé certaines forces luciférienne à cette effusion planétaire. Ils sont restés à un palier où ils pouvaient servir de catalyseur de l'évolution à travers différents mondes, pas juste le monde planétaire. Et à travers le monde planétaire, il y a la possibilité, et c'est l'une des rares régions de cette création, où on peut aussi concevoir des mécanicités melchizédiennes qui pourront être entachées de colorations d'ordre melchizédienne et qui pourront servir à catalyser l'évolution de notre planète. Autrement dit, un être humain qui arrive à une fusion, qui est proche de la fusion, qui crée un double éthérique et qui finalement refuse la fusion avec le double éthérique, devient un être melchizédien, un être mortel par contre. Un être melchizédien qui va avoir la faculté de, non pas accomplir des missions, mais il aura la faculté non karmique de s'immiscer à travers toutes les formes d'évolution planétaire. Autrement dit, celui qui arrive à avoir un double éthérique et qu'il n'opère pas sa fusion avec, se garde les mains libres, c'est-à-dire qu'il n'est pas manipulé par l'intelligence supramentale, et en même temps, il n'est plus manipulable par les forces astrales, donc il n'est pas ni archangélique, ni intelligent du point de vue supramental. Par contre, il a une conscience qui lui permet d'absorber toute intelligence supramentale astralisée, alors il a la faculté de devenir une espèce d'agent libre, d'agent libre, oui. Alors, il peut maintenant appliquer l'intelligence un peu plus à sa façon, c'est-à-dire que s'il considère comme étant intelligent d'aider les peuples du tiers-monde, il aura la faculté et la puissance de le faire. Ce qui va maganer, ce qui va nuire énormément à tous les plans archangéliques, à toute la structure des plans divins. Et cela peut même nuire au phénomène de l'intelligenciation, de l'évolution sur le plan planétaire, c'est-à-dire que le Melchizedek humain devient un immense coup de pied au cul à l'humanité. Alors il y aura des guerres. Alors il peut y avoir des apocalypses, il peut y avoir différentes choses dans ce genre, parce qu'il n'est pas régi par l'intelligence et il n'est plus régissable par les forces astrales. On parle de Melchizedek comme cela. Ce n'est pas une révolte, c'est un refus, ce n'est pas pareil. Le refus de la fusion est un refus qui peut être intelligent et logique, ce n'est pas une révolte. La révolte appartient à l'ego. Est-ce qu'on pourrait dire que l'instruction qui donne a pour but d'engendrer un phénomène melchizédien à des échelles humaines? On peut dire cela, on peut dire n'importe quoi. L'instruction, je n'ai pas d'instruction, je parle. Dans ce que tu exprimes, effectivement, il y a cette... Des gens s'en serviront pour se gratter le nez, d'autres s'en serviront pour faire d'autres choses. Mais ce n'est pas axé. OK. Mais dans l'approche, si on peut considérer à une échelle cosmique, là, de ce qui est immédiat, d'un contact, au fur et à mesure que les humains se constitueront des corps éthériques, ils vont devenir un enjeu de plus en plus intéressant pour des phénomènes extraterrestres. Quelle serait la stratégie de refus ou de doute que les humains devront entretenir dans l'immédiat terme vis-à-vis ces phénomènes extraterrestres-là? Bon, premièrement, toute mécanicité extraterrestre doit être considérée comme étant un pissenlit ou un champignon. La première fois que tu vois un champignon, tu ne sais pas ce que c'est. Et si le champignon est plus grand que toi et que ses spores te droguent, tu pourras penser que c'est un dieu. Lorsque tu auras compris que tu ne dois pas respirer les spores du champignon ou que tu peux te mettre un filtre, un mouchoir ou un masque, lorsque tu auras compris que le champignon a une durée de vie limitée, qui peut peut-être être plus grande que la tienne, mais il n'est pas immortel parce qu'il échappe à ta vision de sa mortalité. Lorsque tu auras compris qu'avec une bonne hache, tu peux abattre le champignon, que tu peux le couper en tranches et le faire cuire et te nourrir, tu le digéreras, eh bien, tu auras appris. L'être humain qui rencontre une mécanicité extraterrestre, il y a eu des camps qu'on a fait à un moment donné où il y avait justement des bruits particuliers. Tu étais là. Alors, à 2 ou 3 heures du matin, plus ou moins régulièrement, sur certains camps, il y avait un bruit métallique, une fluctuation métallique qui se faisait entendre, qui était géostationnaire et qui durait plusieurs minutes. Similaire à ce que pourrait faire une structure OVNIC, c'est-à-dire un vaisseau spatial en force géostationnaire s'il travaille avec des champs magnétiques contraires aux champs magnétiques terrestres, s'il courbe l'espace-temps vers le passé, alors que la Terre le coupe vers l'avenir. Cela engendre des mécanicités dans l'air, des espèces de sonorités dans l'air qui sont proches un peu des sphères célestes. De quelle façon les gens réagissent? Ils réagissent par le doute. Ils ne doutent pas de ce qu'ils ont entendu. Ils doutent de ce qu'ils ont entendu peut stimuler chez eux. C'est comme ça qu'on va fonctionner. À un moment donné, pendant un autre camp, il y a des personnes qui ont entendu de la musique. La musique des sphères célestes. Ils n'ont pas douté de ce qu'ils ont entendu, ils ont douté de ce que cela avait stimulé chez eux. À un moment donné, tu entends un cheval ou quelque chose dans le genre avec un harnachement et des chaînes qui galopent droit vers le centre d'un campement. 3 heures du matin, 4 heures du matin, le gardien entend cela. Il ne doute pas de ce qu'il entend. On ne doit jamais douter de ce qu'on entend. On doit douter de ce qui se passe chez soi. Stimulé par ce qu'on entend. La journée que tu rencontres un extraterrestre ou un immense vaisseau spatial, tu sais qu'il va arriver à un moment donné. Est-ce que ce sont tes serviteurs ou tes maîtres ou simplement des alliés? Chose certaine, mets-toi à genoux, tu seras le serviteur. C'est évident. Pourquoi non? Pourquoi dans une structure d'intervention intelligente, faudrait-il que l'intelligence dise à un minable, t'es pas minable? À un moment donné, il y aura une intervention extraterrestre. Pas les extraterrestres que les gens rencontrent aujourd'hui, mais il y aura une intervention extraterrestre, intelligente. Et il n'y aura pas suffisamment de temps planétaire lors de cette intervention pour commencer à motiver les terriens. Ben non, t'es pas un trou de cul. Ben non, lève-toi debout. 16 demi chez soulier. Ils n'auront pas le temps. Alors, ces humains vont tous être missionnés. Et ils mourront sans doute. Ce sont des fanatiques. Ils sont fascinés. Totalement impressionnés par la forme. Alors que ceux qui seront capables de se tenir debout, il y aura les arrogants. Il y aura les imbéciles. Qui, avant même de juger, de jauger la qualité énergétique de ce qu'ils verront, prétendront que ce n'est rien, que c'est de la merde, que c'est ceci, que c'est cela. Le temps manquera. L'intelligence n'aura pas le temps non plus d'expliquer à ces personnes-là sa béatitude. Et il y aura ceux qui seront capables de s'ajuster, mais qui conserveront toujours le doute. Mais il faut faire attention, on doit arriver au doute du doute. C'est quoi ça? Le doute du doute. C'est le doute absolu. C'est un phénomène extrêmement pénible à expliquer. Sauf que ça crée une sensation de vide très difficile à supporter. Non, parce que tu doutes du vide. Mais tu as tendance constamment à te recréer une structure reposante à ton esprit. Non, tu doutes de ça. Quel est le dilemme de celui qui devient un phare pour d'autres, pour sécuriser le doute des autres? Celui qui devient un phare pour d'autres, il y a deux choses. Il y a celui qui devient un phare pour d'autres. Et il y a celui qui... solaire. Il n'est pas galactique, il n'est pas cosmique, il n'est pas absolu. Celui qui devient un phare pour la simple raison que, de toute façon, étant donné que les êtres humains voient tellement dans l'obscurité que la seule lumière qu'ils peuvent voir, c'est lui, malgré lui, c'est une personne, un personnage dangereux. Parce que le journée qui va découvrir qu'il est suivi, il peut éteindre sa lumière. Et là, le terrain où vous allez être rendu, c'est pas votre terrain. Il n'est plus là, lui. Alors, vous êtes perdu en tabarnouche. Plus perdu que jamais. C'est ce qui va arriver. L'individu ne doit pas suivre. L'individu doit douter de tout. Mais quel est le poids karmique de ces deux types de... Il y en a un qui n'a aucun poids karmique, puis il y en a un autre qui en a énorme. Celui qui se bâtit comme étant missionné, comme étant un phare, il a un immense poids karmique. Et son poids karmique sera celui de la journée où son phare va s'éteindre, ou devenir trop puissant qu'il va aveugler, les gens ne pourront plus voir, les gens vont pouvoir le tuer. Pourquoi? Parce qu'en éclairant les gens, il doit savoir qu'un jour, il les aveuglera. Il les perdra. Pas il va les perdre du point de vue que les gens ne suivront plus. Il va les perdre du point de vue que les gens vont être perdus. Il les perdra. Celui qui, par contre, ne fait que son chemin, et tu décides de le suivre, malgré que lui, il marche à une vitesse folle et lui ne t'attend pas, ah ben la journée qu'il va te distancer, ça sera ton karma. Tu veux suivre un bateau qui va plus vite que toi, ben la journée que tu vas le perdre à l'horizon, tu seras plus que t'es. Mais ça doit être un dilemme pour quelqu'un qui est en situation de phare, d'oscillant entre toujours ces deux pôles de probabilité-là. Ben, c'est pas un dilemme, parce qu'il dilemmise tant qu'il voudra, mais étant donné qu'il est manipulé, il va quand même s'en aller du bon côté. Le côté où il doit aller. Vois-tu, on peut revenir un petit peu sur le phénomène du libre arbitre. Plus l'être humain se conscientise, plus sa conscience devient libre. Plus sa conscience devient libre, plus la conscience instruit l'ego. Plus la conscience instruit l'ego, plus elle manipule l'ego. L'animal humain n'aura jamais de libre arbitre. L'ego de l'homme n'aura jamais de libre arbitre. Finalement, étant donné que l'homme s'identifie toujours à l'ego, on peut dire que l'homme n'aura jamais de libre arbitre. Malgré n'importe quelle forme d'évolution, il n'aura jamais de libre arbitre. Mais dans mon cas, moi, ça m'arrange que l'humanité et que l'homme n'aient jamais de libre arbitre. Il y a eu un temps où je n'avais pas de libre arbitre. Et la température était mon maître. Elle déterminait mon état psychologique. Il y a eu un temps où je n'avais pas de libre arbitre. Les dieux étaient mes maîtres. Ils me culpabilisaient. Il y a eu un temps où je n'avais pas de libre arbitre. Mes concepts antidivins me manipulaient à gueuler contre les dieux. Il y a eu un temps où je n'avais pas de libre arbitre. L'astral avait suffisamment de puissance pour continuer à me manipuler ou à manipuler l'extérieur qui, eux, me manipulait. Et du point de vue humain, aujourd'hui, je n'ai toujours pas plus de libre arbitre. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est ma conscience qui me manipule. Mais la conscience, elle est libre. Et aujourd'hui, pourquoi ça m'arrange? C'est que de plus en plus, je suis la conscience. Étant donné que je suis la conscience, je manipule mon ego. Du point de vue humain, je n'ai toujours pas de libre arbitre. L'ego ne fait toujours pas ce qu'il veut. Il fait ce que je veux. Et la racine du doute doit quand même être omniprésente. Elle est toujours omniprésente au niveau de l'ego. Un doute supramental, c'est de quelle nature? Un doute supramental, ça n'existe pas. C'est... Les parallèles entre le doute existe dans l'ego. Le doute absolu existe lorsqu'il n'y a plus d'ego. Donc, il n'y a plus aucune croyance. Il n'y a plus aucune filiation, il n'y a plus rien. Lorsqu'il n'y a absolument plus d'ego dans l'homme, c'est le doute absolu. Tu doutes du passé. Quand il n'y a plus d'ego dans l'homme, il n'y a plus de mémoire dans l'homme. Mais comment un ego qui, en fait, une conscience qui se supramentalise puis qui grimpe en énergie, peut rendre supportable à un ego qui est quand même encore en trace de présence le phénomène de la perception immédiate du doute? Ça ne marche pas. Mais comment est-ce que l'ego réussit à supporter ce poids-là? L'ego ne réussit pas à le supporter, sauf que de temps en temps, ce qui va arriver, c'est que l'ajusteur de pensée va permettre un ajustement du point de vue de l'ego, c'est-à-dire qu'il va lui conter des histoires, des attrapes d'ego, des attrapes égo, comme on a fait avec la Bible, comme on a fait avec d'autres choses. À un moment donné, l'être humain, il se dit, bon, ben alors j'ai des chances de m'en sortir dans cette vie-ci. Il n'y a rien de plus illusoire pour un ego. C'est une farce, l'ego n'en sortira jamais. Mais l'intelligence va dire à l'ego, ben, t'as des chances. Et là, l'ego se pose la question, est-ce que je vais avoir un double éthérique? L'intelligence répond, ben oui, il y aura un double éthérique. Mais tu n'auras jamais de double éthérique, l'ego ne pose pas la question, l'ego est trop con pour ça, l'ego est trop content. Alors l'ego arrive à supporter. Mais au fur et à mesure de l'évolution, le doute de l'ego continue à grandir. À un moment donné, il dit, ouais, mais je pense que je me suis fait avoir. Je croyais pouvoir arriver à marcher sur l'eau, et lorsque le corps marchera sur l'eau, je ne serai même plus là pour m'en rendre compte. Et le doute continue à douter. Mais là, l'ego qui perçoit ça peut entrer en processus de révolte. Oui, il va rentrer en processus de révolte, et rentrer en processus de révolte, il va quand même être suffisamment néotypé pour pouvoir refuser de retourner comme il était. Il va dire, bon, je n'évolue plus, je me retourne dans le métro. Il rentre dans le métro, puis il dit, yeah, si, ouais, ça va d'allure. Il sort dehors, il fait. Il ne peut plus vivre comme il vivait, ce n'est plus lui. Et il veut refuser cette transformation. Il n'y a pas le choix. Tu retournes en arrière ou tu continues à te transformer. Il ne peut pas retourner en arrière. Il continue donc à se transformer. Et lentement, il va finir par comprendre. Ah bon, ça y est, j'ai compris. Ben, 6 mois après, il va dire, sans quoi faire. Jusqu'au jour, il va plus rien dire. Il va totalement s'être fait avoir. Mais en réalité, il sera sauvé. Mais comment fonctionne un ennemi? Puisque je dis là, c'est encore une farce. Évidemment. Mais justement, comment fonctionne un individu qui cellularise le doute total? Comment il transige? Parce qu'un être humain est un être... Le doute total égale le doute absolu? Oui. Il n'y a plus d'ego. Mais sauf qu'il transige quand même avec de l'humain parce que c'est essentiellement un être de relation humain. Oui. Comment transige-t-il? Avec les autres. Avec les autres. Et comment s'assure-t-il que les autres ne sont pas en train de se fixer sur lui? Il crée des hiérarchies. Les égos ont besoin de hiérarchie. Plus un égo se sent bas par rapport à quelque chose, et plus un égo se sent haut par rapport à d'autres choses, plus il se sent sécure. Alors, tu fais une espèce de cercle hiérarchique où tu places un monarque, et en bas du monarque, tu places des simili-monarques, des génies. Après ça, tu places des prêtres, des ministres, tu places des diplômés, tu places, etc., jusqu'à temps que tu arrives à la liste. Et là, tu regardes un individu, tu lui dis, toi, ta classe, si je le mets dans le lit, il ne voudra jamais me suivre. Si je le place en haut, ça va lui péter la tête, il ne pourra pas suivre. Oh, je le place quelque part là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est celui qui est dans le lit, il aura toujours plus pire que lui. Alors que le plus pire peut être le riche. Alors finalement, pour sécuriser un ego, on parle demain d'un être qui a un doute absolu, donc un être qui a une fusion totale et qui n'a plus d'ego pantoute, donc un être qui est absolument extraterrestre du point de vue de sa conscience terrestre, du point de vue de son expression. Eh bien, lui, il va engendrer une planète, une espèce de planétosystème, un système planétaire humain. Et dans ce système planétaire, il y aura toujours un juste milieu. Où tu seras placé? Et ce juste milieu, il est une illusion. Donc, je te place au degré 8 ou au degré 25, au degré 1. Au degré 0, le degré 25 va dire c'est le plus bas. Puis celui qui est dans le degré 0, il dit, moi, je suis bien être social. Tu sais, je suis bien, les caves qui travaillent. Ceux qui sont au degré 25 sont pour lui plus bas. Alors là, il a sa sécurité. Il a de quoi faire pour améliorer son sort, puis il a des fois de quoi de fait. Sécurité totale. Et vu que l'ego fonctionne exclusivement à partir de ce principe de comparaison, n'importe quelle société peut être dirigée sur le plan planétaire si on a ça. L'individu qui voit le chemin à faire, mais qui voit qu'il n'a des pires que lui, le chemin ne sera jamais trop dur à supporter. L'individu qui, à un moment donné, perd la vision des pires que lui, qui voit rien que le chemin à faire, il se suicide. Plus de sécurité. Celui qui voit qu'il n'y a plus de chemin à faire, mais qu'il y a juste du chemin de fait, un ego, mais il se rend compte qu'il arrive sur un précipice. Plus rien. Il n'y a plus de conscience, il est millionnaire, il y a eu toutes les femmes qu'il voulait, il y a tout ce qu'il veut, il manque sa conscience. On parle d'un ego. Alors, lui, il est en haut de l'échelle, puis il se dit, les pauvres sont mieux que moi. Alors, s'il se dit ça, il n'est plus en haut de l'échelle. Il va commencer maintenant à donner de l'argent, à aider les pauvres, à vouloir s'habiller un peu croche de temps en temps, à vouloir être pauvre. Alors, il est bien, c'est que. Mais celui qui arrive en haut totalement, qui haït les pauvres, qui haït toutes les hiérarchies inférieures, puis qui arrive en haut du point de vue de l'ego, lui, il se suicide, il ne peut plus rien faire. Alors, pour créer une espèce, comme tu parles, de relation entre celui qui est totalement anégoïque, donc celui qui a le doute absolu, comment il arrive à transiger avec l'humain? Eh bien, il transige avec l'humain avec une bague, avec un anneau que l'humain porte, et il place l'humain quelque part là-dedans. Il donne une augmentation, il monte de temps en temps, il punit de temps en temps. Ça plaît à l'ego. C'est plaisant pour l'ego. Quand un Dieu te punit, tu sais que Dieu existe. C'est plaisant pour l'ego. Quand ton père te bat, tu sais que ton père t'aime, au moins il s'occupe de toi. C'est plaisant pour l'ego. Et supposons que là, tu décris une dynamique entre des humains qui sont psychologiques. Mais parlons d'un humain qui est en transition et qui se conscientise. Ben, tu le places plus haut sur la hiérarchie. Mais tu donnes encore du pain à faire, du pain à manger, puis du pain déjà de manger. Mais est-ce qu'à un moment donné, le doute engendre la marginalisation puis les phénomènes de martyr de la transition supramentale? Ben, le doute engendre effectivement cela, le MTS, le martyr de la transition supramentale, comme toute forme de marginalisation. Mais sauf qu'encore une fois, il faut faire attention, quand un individu se marginalise, il doute de la collectivité, mais il ne doute pas de ce que la collectivité a fait. Ça, c'est un problème majeur. Moi, je peux travailler en collectivité parce que je suis individuel de la collectivité. Je suis consciemment conscient que c'est mon choix de ma conscience, manipulation de l'ego, mon choix dans ma conscience d'être avec le groupe. Sauf que la majorité des MTS vont se rejeter d'un groupe en continuant à faire ce que les gens font. Ils sont donc, ils rejettent, ils doutent de l'individu, mais ils ne doutent pas de ce qui a été bâti. Il faut bien plus douter de ce qui est bâti que de l'individu. Il faut douter de tout. Mais tant qu'à douter d'un ou l'autre, doute de ce qui est bâti. Parle la gang, doute pas de la gang. Fait qu'un de ces quatre matins, tu te lèves, tu dis, moi, de toute façon, je vais faire... Le sept matins dans une semaine. C'est l'expression populaire, un de ces quatre jeudis, adapté. C'est que tu prends conscience à un moment donné que quoi que ce soit que tu fasses, tu te fourras quelque part. Parce que le doute, c'est un peu, c'est une version, si tu veux, adaptée. Là. Quoi que ce soit que tu fasses, il y a une manipulation qui joue. Le doute apparaît simplement quand tu vois quelque chose de mieux. C'est simple. Celui qui doute évolue. Ce qui engendre, la mécanicité qui engendre le doute, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins un point, une énergie mentale qui apparaît. Qui amène quelque chose de différent, de mieux. C'est ce qui engendre le doute. À partir de ce moment-là, c'est le frottement entre des perceptions illogiques de choses que le doute naît. Le refus de l'ego d'accepter le neuf. De mourir. C'est simple. Quand une nouvelle idée arrive, la vieille devrait juste mourir. Mais est-ce que ça conduit quelqu'un à fonctionner de façon non émotive dans l'action? Quelqu'un qui doute de tout finit par se dire, ben écoute, on va faire ça, puis c'est pas grave, ça marche pas, on fait d'autres choses. Mais est-ce que l'efficacité dans l'action peut être aussi grande? Celui qui doute de tout est nécessairement intelligent. Alors, la question est posée par l'ego. Parce que si la question est posée par l'intelligence, question n'est pas posée. Elle n'est pas intelligente. Mais je dis ceci, c'est que l'intelligence supramentale n'a pas fait la preuve qu'elle avait de l'expérience dans le contexte terrestre humain. Et l'intelligence supramentale n'a pas besoin de faire la preuve, elle s'en fout. Sauf que les humains qui se sont fait couper la tête parce qu'elle a utilisé les humains, du point de vue de l'humain, elle avait une base de testification à se donner, mais les humains l'ont subi. Mm-hmm. Et moi, je considère qu'à ce moment-là, ce n'est pas de l'intelligence qu'il faut avoir. Il faut se poser la question, est-ce que l'expérience aussi doit jouer? C'est l'orgueil de l'homme qui fait que l'homme pense qu'il est la seule source d'utilité planétaire. Tant que l'homme va disséquer des animaux, on ne peut pas crier contre intelligence supramentale qui dissèque des hommes. On se sert royalement et continuellement de tout ce qui existe en tant que vie sur le plan planétaire pour servir l'homme. Parce que nous croyons les plus importants. C'est un peu vrai. Mais l'intelligence supramentale, lorsqu'elle descend sur le plan planétaire, elle voit l'homme, l'animal humain, comme étant ce qu'il est. Et elle le dissèque aussi. Alors elle se sert à un moment donné de quelque chose. On dresse des dauphins pour aller déminer des territoires océaniques. On dresse des animaux marins à se jeter sur les mines pour ouvrir le passage aux bateaux. Alors, on dresse des êtres humains à se jeter sur les mines astrales pour ouvrir le passage à l'intelligence. Mais si je vais au bout du doute, de la notion de doute, si je doute de tout, comment puis-je constituer une alliance après, avec quoi que ce soit? La question est mal posée. Pourquoi? Parce qu'elle est posée par un ego. Lorsqu'un ego doute de tout, il n'y a plus d'ego. Mais à ce moment-là, est-ce que des alliances sont possibles? Mais là, oui, okay. Comme n'importe quelle alliance intelligente, des alliances limitées. Pour des êtres transitifs qui ont à la fois de l'ego et qui ont... Donc, pour des êtres transitifs qui n'ont pas le doute absolu, pour arriver à transiger avec les autres individus, ils devront de temps en temps donner des poissons à leur ego, des carottes à leur ego. On doit bien faire la séparation dans l'homme. Il y a le virus, l'âme, habité par un ego, un contrôleur. Il y a le mental, l'intelligence, qui est le créateur, le constitueur du corps physique et de toute la gestion évolutive. Le virus s'est emparé du corps de l'homme dès le début de la création de l'homme, il y a de cela quelques milliards d'années. Le virus a tout pris pour lui, chaque fois qu'on donnait de l'aliment. Le virus est un peu comme un ver solitaire. Chaque fois que l'intelligence alimentait le corps, le virus en ramassait une partie, ce qui a ralenti l'évolution du corps. Et ce virus est une planification astrale reliée au monde de la mort pour faire en sorte que le corps de l'homme, qui est matériel et qui a la faculté de supporter de l'intelligence à un moment donné, peut donc supporter des sphères du monde de la mort, donc de la mémoire. Et cette mémoire-là, elle a besoin d'être nourrie, et elle ne peut être nourrie que si l'on répète les mêmes habitudes, les traditions, et l'âme a donc été placée dans le corps de l'âme par l'âme planétaire, de façon à ce que l'âme et l'âme planétaire, l'astral, puisse se servir du corps humain pour que celui-ci engendre de la nourriture. Mais le corps de l'âme n'appartient pas au ciel. Le corps de l'âme n'appartient pas à l'âme. L'âme est un intrus. Un intrus contre l'air pour la simple raison qu'on n'a pas encore suffisamment de puissance intelligente pour arriver à créer une pression interne suffisamment, disons, suffisamment douloureuse pour l'ego, pour l'âme, pour que celui-ci retourne là d'où il vient. C'est juste cela. Et parce que présentement, nous parlons en tant qu'ego, en tant que virus, nous posons des questions. Comment l'intelligence dans moi va-t-elle faire pour que je puisse continuer à dialoguer avec les pires rapaces, les pires ennemis du monde, de l'évolution, avec la mémoire? Comment, moi, l'instantané, vais-je maintenant dialoguer avec le passé? Tu ne dialogueras pas avec le passé. Tu vas le détruire. Lorsque l'intelligence arrive dans l'être humain, s'il y a trop d'ego pour résister, l'humain est détruit. Et c'est pourquoi l'humain doit être prêt. Et normalement, l'humain se prépare lentement. Il y a un ajusteur de pensée, un petit peu d'énergie qui passe, il y a un peu d'ego, et lentement, il y a un transfert d'énergie de l'ego vers le mental et un transfert d'énergie du plan supramental vers le mental pour que lentement se fasse la transition. Mais un individu qui a un contact supramental et qui a trop d'ego, il est détruit. Totalement détruit. C'est correct, c'est logique. Si un jour, moi, avec la puissance que j'ai, j'arrive à avoir tellement d'ego que je veux faire des choses exclusivement égoïques, bien, mieux vaut que je sois détruit. Je vais évoluer plus vite. Parce que si je démolis la planète Terre, je vais me réincarner après ça dans des animaux humains, puis on recommence. Si je suis totalement détruit, mes structures énergétiques vont se réincarner dans des êtres humains qui vont poursuivre leur évolution. Mais détruit, c'est l'intelligence qui détruit. C'est pas une arme à feu ou un couteau ou une chose en genre. Mais le Nazaréen lui-même a douté sur la croix, l'ego, en fait. Non, non. L'ego non, du oui, Nazaréen. L'ego, oui, pas le Nazaréen, Jésus. Mais tu as déjà mentionné aussi que quand le contact avec l'énergie supramentale, la preuve qui c'est pas dans le phénomène humain, c'est qu'il faut checker ses claques parce que ça fait couper le cou, puis qu'il est nécessaire d'avoir des contacts à des niveaux supérieurs bouddhiques. Est-ce que le doute d'un être humain bouddhisé est possible? Non. Le doute est une mécanicité qui ne voit pas sa correspondance sur les plans supérieurs. Le doute est une mécanicité astrale. C'est un frottement local à notre environnement. Chaque fois, le doute est simplement un refus subtil de l'ego. D'ailleurs, le doute engendre toujours la souffrance est un refus qui va poser une mémoire à la transformation. Le doute fait partie de cela. Chaque fois que quelque chose de neuf arrive, on doit transformer le vieux. La résistance est un doute, un refus. Quand le neuf commence à transformer le vieux, au début, tu doutes du neuf, puis si le neuf commence à s'immiscer dedans le vieux, tu doutes du vieux. Le doute est donc la preuve d'un contact avec de l'énergie, inférieure ou supérieure. Le doute est la preuve d'une mutation, d'une évolution, négative ou positive, involutive ou évolutive. Au niveau supramental, il n'y a pas de doute. Au niveau bouddhique, il n'y a pas de doute. Au niveau intentionnel, il n'y a pas de doute. C'est trop instantané, ça ne vit pas dans la mémoire. Pas dans la mémoire comme nous la constituons aujourd'hui, une mémoire qui est tellement lente que tu as le temps de la voir. Ça ne vit pas là-dedans. Il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute bouddhique, aucun doute supramental. L'être humain qui arrive à une phase supramentale est sûr d'être sûr. Celui qui a totalement fini sa fusion avec son domotérique, donc il n'a plus d'ego, ne doute plus. La question ne se pose pas. Il a donc ce doute absolu. Tout ce qui vient à lui est analysé en fonction de ce qui vient à lui à partir de la sensibilité de sa résonance dans l'instantané de ce qu'il vit au niveau de l'événement. Il n'y a pas de mémoire. Il n'y a pas besoin d'avoir de doute de quoi que ce soit. Il peut changer ses actions, ses dires, ses réactions, c'est quoi que ce soit. À la minute même, il n'y a pas de doute. Je peux dire aujourd'hui que la réincarnation existe, demain dire qu'elle n'existe pas, après-demain dire qu'elle existe, et je peux prouver mes dires à chaque fois. Pas de doute. L'humain va douter, parce que l'humain garde dans sa mémoire ce qu'il y a dans sa mémoire. Le doute n'existe pas sur aucun autre plan. Mais dans un contexte, moi je pense par exemple à la fraternité qu'on a expérimentée, oui, qui sont marginales. Des individus qui vivent le phénomène de c'est des êtres transitifs cherchent quand même à se créer des solidarités, mais en même temps vivent un doute. Vivent même le doute entre eux de la valeur de ce qui se fait. C'est des doutes égoïques. Oui. Mais sauf que c'est une équation avec laquelle on fonctionne ici dans... C'est une équation avec laquelle on fonctionne, mais c'est une équation avec laquelle on ne doit pas fonctionner. Dernièrement, pour... premièrement, le phénomène du village of sort, on avait la fraternité. J'avais bien dit au début que c'était une vérification du temps. On vérifiait si c'était le temps. Et ce n'était pas le temps. Un autre personnage vérifiait avec pour faire quelque chose de similaire. Ça n'a pas marché non plus. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Personne. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, tu rencontres une autre personne qui a travaillé au niveau de la fraternité, et puis tu lui dis, maintenant, il y a quelque chose d'autre qu'on veut faire. Et puis, je te laisse 5 minutes pour décider. Ça y en prend 6. Ça dirait le doute. Comment on transige avec? C'est simple, on l'exclut. C'est simple. Alors, moi, je ne marche pas avec le doute. C'est-à-dire que, pour certaines choses, je laisse l'humain douter. Et lorsque c'est le temps d'appliquer des choses que je sais que c'est le temps, si l'humain doute, il va douter juste trop longtemps. Dans son doute, il va souffrir, alors il n'embarque pas. Mais supposons que moi, je suis assez puissant pour ne pas avoir de doute à un niveau donné, mais je suis environné d'individus qui peuvent exprimer du doute parce qu'ils sont en phase de... Oui, on travaille pas. Et par contre, j'ai une direction à donner. Quelle est la part de manipulation que je dois consentir pour venir à bout du doute des individus? Parce que, effectivement, si tu vois comme étant intelligent d'aboutir dans ton projet avec ces douteux-là, tu les manipules à 100%. Quelle est la notion de karma que je peux ramasser dans une approche comme ça? Est-ce que c'est nul? Est-ce que c'est... Si tu réussis, il n'y a jamais de karma pour le négatif. Si tu manques ton coup, il y a toujours du karma négatif. Puis ça dépend aussi si c'est poursuivi pour des fins égoïques ou... Non. Non? Non. Tu le fais là pour l'intelligence. Si tu manques ton coup, tu vas payer pour. Fie-toi à l'ego de l'humain pour ça. L'intelligence ne te châtie pas. C'est l'humain qui châtie. Il n'y a aucun problème. Si tu réussis, l'humain va te donner un karma positif. Quand on travaille avec des humains qui doutent, le doute est de toute façon quelque chose à entretenir. Et tu ne peux pas motiver l'individu pour qu'il cesse de douter. Ça, c'est de la conversion. On ne fait jamais ça. Pas dans des structures d'évolution intelligente. On ne convertit pas. L'individu, tu lui expliques. Ce n'est pas de la propagande ni de la publicité, c'est de l'information. Tu l'informes. L'individu a toute l'information qui est nécessaire. Ça lui prend 3 mois à se décider. L'individu n'est pas ton homme ou ta femme. Ce n'est pas le bon personnage. Pas bon. Tu t'engages à devoir le motiver, le stimuler régulièrement si tu le prends. Après une longue réflexion, il dit oui. Tu le prends. Il y aura toujours son maudit doute à travers, puis un doute qu'il faudra maintenant que tu supportes toi. Travaille pas avec. C'est comme une personne qui ne sait pas si elle va se marier. Ah, je ne sais pas. Puis on est rendu aux noces, puis le prêtre qui pose la question. Oui ou non? Peut-être, là. Je peux-tu avoir encore 5 minutes pour y penser? Marie-le pas! Toute la vie du mariage, je vais encore douter s'il y a bien fait. Oui, mais je peux caricaturer cet exemple-là en disant le cave qui dit oui puis qui le regrette deux jours après. Ben oui. Celui qui y pense 2 jours puis qui est clair dans ses idées quand il se marie. Non. C'est quelle différence qu'il y a entre le doute et le sens critique dans une collaboration entre des individus? On ne doit pas douter. Mais le sens critique, c'est quoi par rapport au doute? Le sens critique, c'est simplement un sens qui va être analytique. Il te manque des données. Ce n'est pas une question de doute. Si tu doutes, c'est évolutif. Si c'est évolutif, c'est que tu es en forme d'évolution. Si tu es en phase d'évolution, c'est que tu n'es pas prêt pour ça. Tu doutes de ça. Pas prêt pour ça. Tu es prêt pour d'autres choses, pas pour ça. Donc, embarque pas. Tu doutes plus qu'un certain nombre de parcelles de temps, ce n'est pas bon. Si moi je dis, je fais ceci et vous avez 1 mois pour y penser, et pendant 1 mois, tu es inclus. Mais ceux qui, quand la date d'échéance arrive, ne savent toujours pas, mieux vaut qu'ils s'abstiennent. Parce que c'est pas correct. La journée qu'ils douteront plus, il sera peut-être trop tard pour ça, mais il y a tellement d'affaires sur la planète, il n'y a jamais trop tard. Trop tard pour ça, moi, on s'en fout. Tu voulais acheter une automobile, c'était réellement une bonne affaire. Tu étais tellement douté, tu étais tellement médité qu'elle s'est vendue. Ah ben j'ai perdu. Tu n'as rien perdu. Il y aura toujours des bonnes affaires sur la planète. Il y en aura toujours. L'humain se casse la tête. C'est le stress. Et puis souvent, il fait des conneries parce qu'il va trop vite. Trop vite pourquoi? Parce que c'est pas le temps. C'est pas le temps pourquoi? Parce qu'il n'est pas assez évolué pour supporter ce qu'il va faire. C'est pour ça que c'est pas le temps. Moi, si je doute d'une chose, je vais autant m'abstenir, j'embarque pas. La journée que je suis sûr d'être sûr, je doute de moi, pas de la chose. Mais le paradoxe... J'embarque. Je peux me casser la gueule, j'embarque. C'est ça. C'est que le paradoxe, c'est que quelqu'un qui doute pas peut devenir téméraire. Oui, mais doute de toi, pas des choses. Si tu m'amènes sur une table un projet qui semble absolument convenable, et tu me dis, mets-tu 20 000? Si j'ai 20 000, ça me semble convenable, puis que je doute, c'est parce que j'ai pas à mettre 20 000, j'ai pas embarqué là-dedans. Mon évolution ne va pas avec ça. Mais si ça semble parfait, moi, je dis oui, OK. Tu me dis, oui, mais il y a quand même des risques. Moi, je dis, c'est évident qu'il y a des risques. On est sur la planète Terre. La planète est trop de cul. C'est évident qu'il y a des risques. Mais tu embarques pareil. Ben oui, j'embarque pareil. Ne pas embarquer ou embarquer. Je vis d'un bord ou de l'autre. Présentement, je ne doute pas du fait que j'embarque. C'est tout. Je doute de moi. Je peux me faire avoir par l'astral. Je peux. Ça ne change rien. Puis si on se casse la gueule, c'est pas de ta faute. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. On est dans un contexte comme ça. Je m'en fous. Alors, j'ai un doute qui approche du doute absolu. J'ai un doute très limité. Mais si je doute, je ne le fais pas. Toi, si tu travailles avec des gens qui doutent régulièrement, ne travaille pas avec eux. Dis oui, mais il faudrait que ça se fasse. Mais non, c'est pas le temps, la preuve, t'as pas les bonnes personnes. Mais quand tu dis, je suis sûr que c'est un paradoxe apparent, là. C'est que tu dis, tu peux pas travailler avec des gens qui doutent régulièrement, or, fondamentalement, l'individu doit douter. Oui, mais tu ne peux pas travailler avec des gens qui évoluent. Donc, par définition... Tu peux vivre avec des gens qui évoluent. Travailler avec des gens qui évoluent? Mais non. Il n'est pas rentré à bonheur parce que là, il est en méditation. Il ne sait plus s'il lâche pas, il ne sait pas si sa vie change. Voyons, non. Tu ne prends pas une personne qui évolue au niveau supramental pour l'engager à travailler avec lui. C'est risqué. Très risqué. À moins qu'il soit rendu à une phase d'évolution où son doute approche d'un doute planétaire. Il va douter moins des conneries, il ne doutera plus de la plante, il va cesser de douter de l'eau qu'il y a donné à boire. Ça va être passé, ça. Okay. Ça, c'est un savoir qui est là. Il n'y a plus de doute là. Alors, quand tu lui dis, on fait tout ça, il va dire oui. Ben non, il va dire non, mais il ne doutera plus de ça. Par contre, tu lui dis, planétairement, allons-nous? Alors, ça, un instant. Réincarnationnellement, il tue le comte de Saint-Germain. Alors, ça, il va douter en tabarouette. Puis, dans ces choses-là, tu ne peux pas te lancer en affaire avec. Tu ne peux pas dire, bon, est-ce qu'on fait quelque chose pour piller ou encore pour pilonner l'astral? Ah, il va dire, ben là, ah voilà, lance-toi pas en affaire là avec lui. Mais dans des affaires matérielles où ce qu'il va dire, pas de problème, c'est correct. Tu ne peux pas faire affaire avec quelqu'un qui évolue. C'est impossible. Ben, à certains stades d'évolution, en fait. Ouais, mais pas dans où ce qui évolue. Ouais. C'est comme l'adolescence. Un adolescent ne connaît pas l'adolescence. L'adulte connaît l'adolescence, il peut le régler. Alors, tout c'est le même phénomène. Dans ce qu'on évolue, on est tellement fou là-dedans qu'on n'est pas pour commencer à s'allier. On va signer des contrats entre nous autres alors qu'on ne sait même pas ce qu'on fait. Dans ce qu'on a fait, oui. Alors, quand une personne hésite, un des schémas de son évolution est à ce niveau-là. Prends-le pas avec toi. Détermine combien de temps tu lui permets de douter. Puis quand c'est non, c'est non. Il y a une personne que j'ai connue qui était géniale, qui a de l'expérience dans le milieu de l'immobilier, etc. Son seul problème, c'est qu'il n'a pas le temps et il n'a pas toujours l'argent pour pouvoir acheter comptant des bonnes affaires. Alors moi, je lui offre un peu plus qu'un quart de million en argent, puis je lui dis, ben, tu vas simplement nous donner un coup de pouce. Ah, il a douté. Il m'a dit, laisse-moi une semaine. J'ai dit, OK. Après une semaine, il y a une autre personne qui l'a appelé, pas moi, pour le manipuler. Une autre personne l'appelle pour lui dire, pour lui demander, là, tu fais quoi? Ah, ben, j'hésite encore, je vais vous rappeler. Moi, je l'ai appelé, j'ai dit, rappelle-nous plus. Plus besoin de toi. Fait que peut-être qu'il continue à douter de ce qu'il a fait. Peut-être que non. Sa période de doute était passée. Allouée. Moi, j'ai dit ça. Il m'avait demandé une semaine, j'ai dit oui. Il a besoin d'un an. Dans l'évolution, c'est la même chose. Moi, j'ai dit à quelqu'un, vous êtes prêt à évoluer, prêt à être initié. Parfait. Dans deux semaines, je fais ceci. Êtes-vous prêt ou pas? Ah, tout le monde est prêt. Pas de problème. Vous avez juste à prendre l'avion puis vous ramassez à telle place. On va peut-être me ramasser tout seul. C'est comme ça. Les gens ne sont pas prêts là. Sinon, il y aura des fous qui vont se ramasser là. Puis si je ne suis pas là, ils sont tout seuls là. C'est pas grave, ils vont être là à leur niveau d'évolution. C'est ça que l'humain a toujours le maudit problème, c'est qu'il pense toujours qu'il se fait avoir. Comme tout à l'heure, tu disais, mais c'est faux. L'ego se fait toujours avoir, il se fait toujours avoir, l'ego. Pas la conscience de l'homme. Tu t'en vas quelque part, puis tu te fais tout ramasser. Tu vas dire, c'est con. T'évolues. Évolue en maudit. Énergétiquement, tu dois absorber le choc. Si tu cries, puis tu déblatères, la terre, puis tu trouves la terre, puis tu t'arraches tout, là j'avoue que tu évolues, mais très peu. Mais c'est pas le résultat net de l'ego qu'il faut qu'on observe, c'est le phénomène de la vie. L'être humain peut vivre n'importe quelle situation, puis arrive à s'en sortir esthétiquement. Très évolué. Puis il s'en sort pas esthétiquement. Il faut évoluer. Puis l'esthétisme, c'est quoi? Est-ce que ça te plaît ou pas? La façon dont tu t'en sors, pas la situation. Tu sais, je n'ai perdu de l'argent quand j'étais jeune. Moi, je me dis même que mes meilleurs amis sont rentrés chez moi et m'ont tout volé. Avant que je les vole, ils ont préféré tout voler. Puis, Il ne me restait plus rien. Je m'ont rien fait. Ils m'ont débarrassé d'un karma. J'étais content. J'avais tout oublié. Je repartais dans du neuf. Puis c'est bien.